veux crever la dalle, ça partage que sur Facebook. J'ai pas besoin de guillotine pour que ta tête bouge. Sous gros Osep, j'ai le sourire comme Hugo Ospel. Fâché, j'suis pas de ces bobos de merde qui coopèrent. Taré, j'me ramène un paquet de calvaire. J'arrive en galère, traqué par le kraken. Adios, j'ai pas de peau, comme si j'avais la lèvre. Donc j'vais d'abord tout tenter, ensuite lâcher l'affaire. On tombe comme des mouches à merde. Les seuls trucs bien que t'entends, c'est quand t'écoutes ta mère. Les causes sont multiples, il faut qu'on se mutine. J'vis en suspens la substance, cachée au fond du slip. La guigne s'active, t'as affûté tes canines. Les conditions se réunissent, t'as chuté mécanique. Tu sais la vie, ce sera pas de la balle. Si t'es pas du bon calibre, mec, il se pourrait qu'on t'aligne. Ça sort d'un son Brésil, aucune tasse même pour blébure. Ça se crispe, y'a de quoi se taper la tête contre les murs. Tragique actu, naufrage et j'navigue à vue. J'gaspille ma thune, la misère, entame sa filature. Trop tôt, c'est les grattes, les gros tocs prennent des graves. Coup de matraque, les chars cassent des colonnes vers tes bras. J'lâche mon rap de tout bave, j'ouvre pas bon cash. Goûte ça, couche à coup de latte, les douilles partent pour les poumons. Ma vie, c'est du son et des stupes, tu seras pas déçu. C'est du goudron et des plumes, bas du bourbon et des bulles. Sans vertu, on s'est perdu, y'a du j'pou qu'on s'est fait dur. Les plantes, ça danse et s'écute, pas du tout con, ouais, j't'ai. Ma vie, c'est du son et des stupes, tu seras pas déçu. C'est du goudron et des plumes, bas du bourbon. Et des buts sans vertu, on s'est perdu. Y'a du j'pou qu'on s'est fait dur. Les plantes, ça danse et s'écute, pas du tout con, ouais, j't'ai dû. Ça pue, slif, guette mes pupilles. J'rappe tout à gars en kayak, dans les gorges du zig. Tel un chef, j'mets le grain de sel. Mon rap, une attaque chimique. Faire pour ton bec benzène. Elles aimeraient être des princesses. Sur tes rêves, tire un trait. Une reste intègre, l'autre finit. Avec la zeste plein de zèle. J'suis pas un mouton trop docile. Dans le système sans au fil. Je veux pas de palave, donc j'peur pas. Vu que chaque larme est corrosive. Tous les ans, tu prends des baffes en attendant le grand départ. Marre de tremper dans des trappes. J'tente même pas de vendetta. En détail ou en gros. Le temps s'écoule, perdit clair tout tes pas, ce qu'il y avait dans ses boules. J'essaie de passer un plaisant séjour. Dans ma montre j'apprends, j'monte en encaissant les coups. Discret comme la résine, planqué dans mes couilles. Pas là pour bavasser, écoute, j'préfère ramasser le flou. On vit dans un monde de salopes, et même la planète tourne. Pas besoin d'être Houdini pour laisser planer le doute. Déraminé, j'le prospecte, comment veux-tu que j'prospère? Y'a trop d'usure, j'ai des grosses plaies comme dans Hostel. Trop de stress vu ce qu'il est, programme donne des mots têtes. C'est la haine qui ouvre le bal, ça finit sur des notes ternes. Trop de stress vu ce qu'il est, programme donne des mots têtes. C'est la haine qui ouvre le bal, ça se finit sur des notes. Ma vie c'est du son et des stupes, tu seras pas déçu. C'est du goudron et des plumes, bas du bourbon et des bulles. Sans vertu on s'est perdu, y'a du j'pou qu'on s'est fait dur. Les plantes ça danse et s'écute, pas du tout con, ouais j't'ai. Ma vie c'est du son et des stupes, tu seras pas déçu. C'est du goudron et des plumes, bas du bourbon et des bulles. Sans vertu on s'est perdu, y'a du j'pou qu'on s'est fait dur. Les plantes ça danse et s'écute, pas du tout con, ouais j't'éduque.